Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. Eh bien voici la génération Y. Qui sont vraiment ces enfants du numérique ? Elle appartient à ce que les sociologues américains appellent la génération Y, notamment en raison de ses écouteurs vissés aux oreilles. Une nouvelle espèce issue d'un autre monde que l'on observe à la loupe. Et alors pourquoi est-ce qu'on les prendrait pas au sérieux ? Quelles sont les images ? Parce qu'ils sont jeunes. On dit qu'ils sont pas adultes, ils ont pas de pouvoir, ils peuvent rien faire. Putain, cette nuit vers 6h du mat, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai pas réussi à me rendormir après. Bah ouais ? On est les vieux des jeunes. Parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui. Des crobos des fois ils disent n'importe quoi et ça m'énerve et je dis c'est pas bien de dire des gros mots et après ils disent t'es pas dans les problèmes, merci beaucoup, on peut dire des gros mots, on est à l'école. Et je dis ben on est à l'école, on n'est pas là pour dire des gros mots, l'école c'est pas des gros mots. Tous les enfants ne sont pas comme ça parce que Fidane aussi elle est enfant mais elle respecte bien les règles de l'école. Du coup, ça montre que les enfants aussi, ils réfléchissent, ils ont vraiment une capacité d'avoir une réflexion, de comprendre des choses, et on ne peut pas nier cette capacité. Ce n'est pas bien et il faut leur demander leur opinion, parce que si en formulant une opinion, qu'on commence à réfléchir. Je m'appelle Anouja. Et du coup, moi, je suis en Master 1 en psycho du développement à l'Université de Bordeaux. Je suis avec Fidane depuis novembre et on fait plein d'activités ensemble, c'est super. Bonjour, je m'appelle Fidane, je suis une fille intelligente, je suis forte en maths, j'ai toujours des A. Je suis en CM1, j'ai 9 ans et j'aime bien m'amuser. Et après, on peut sortir pour jouer et tout ça. Moi aussi, comme Fidane, j'aime bien apprendre les langues, ce qu'elle n'a pas dit. Moi, je parle l'anglais, le français, marathi, c'est ma langue maternelle, et aussi la langue régionale. Hindi, c'est la langue nationale. Un tout petit peu d'espagnol. Je me débrouille un peu pour voyager. Et aussi un peu de sanskrit. Sanskrit, c'est une langue ancienne, indienne, comme le latin. Et voilà, 4 langues couramment, 2 langues, voilà, pas couramment. Et toi, Fidane ? Moi, c'est la langue française et ma langue kurde. Après, c'est tout. Parce qu'en fait, anglais, j'apprends un peu des mots et voilà. Et à l'école aussi. Elle adore apprendre l'anglais. Aussi, elle fait le dessin, ce qu'elle adore aussi. Et son artiste préféré, c'est Picasso. Je vous raconte l'histoire de notre rencontre de moi et Anouja. Moi, je me souviens que quelqu'un nous a demandé est-ce qu'on veut une accompagnateur ou pas pour les trucs et tout ça, et qu'on sortait, on partait au cinéma et tout ça, et voilà. Ma maman et moi, on avait dit ok, et après j'ai vu Anouja au centre. Il y avait Anouja, Jeanne, mon père, ma petite sœur et moi, on était en train de parler qu'est-ce qu'on aime, moi et Anouja, et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et toi, Anouja ? Ben, du coup, quand j'ai décidé d'être bénévole avec la FEVE, on m'avait dit qu'il fallait peut-être attendre un peu pour trouver l'enfant, voilà, et tout, selon le quartier que, voilà, où je pouvais me déplacer, etc. Et du coup, j'étais très contente qu'effectivement, il avait une petite fille, Fidane, de 9 ans. Déjà, j'ai adoré le prénom, c'est très joli. Et qui voulait faire des sciences avec moi. Donc j'ai dit ben oui, bien sûr, c'était super. Et après, c'est tout. Je savais qu'elle parlait français, mais je savais aussi qu'elle aimait un peu les langues, donc c'était bien. Ça m'a beaucoup plu, parce que moi j'adore les langues aussi, comme elle. Et quand on s'est vu, j'ai vu que c'était une fille toute souriante, qui voulait faire toutes les choses, elle était très motivée. Donc voilà, moi aussi, j'étais très contente. Après la deuxième journée, on était à la bibliothèque, on a lu deux albums de Max et Lily, puis on a fait des dessins sur le cahier pour dire qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Troisième journée, on a fait une BD d'une fille pauvre qui s'appelle Iris. On a dessiné et écrit. Et alors, ça racontait quoi comme histoire? Iris, elle était pauvre avant. Et elle regardait l'école, mais les autres, ils étaient en train de se moquer d'elle. Et le soir, elle était en train de dormir. Et après, quand le lendemain matin, elle s'est levée, elle avait un cristal sur l'arbre et après elle a touché et elle s'est transformée. Et quand elle s'est transformée, elle avait une robe. Et des chaussures à talons. Oui, et après, il y a les cheveux longs. Et après, elle avait le maquillage et tout ça. Et elle est riche maintenant. Et tous les garçons sont amoureux d'elle. Et les filles veulent être amies. Et voilà. Après, Fidan, elle avait, dans la vignette finale, elle avait aussi fait un beau dessin d'une grande maison avec la piscine, un jardin. Qu'après, Fidan, elle m'a dit qu'elle veut en fait devenir architecte. Du coup, voilà. C'était évident. C'était elle qui avait imaginé l'histoire, inventé, qu'est-ce qui se passait. Elle avait dessiné aussi sur les 6 vignettes. J'avais pas tant dessiné à la bibliothèque, mais j'avais tant dessiné chez moi. En fait, il y avait des phrases que j'ai corrigées parce qu'en fait, sans faire exprès, Anidia et moi, on n'avait pas mis en ordre les phrases. Après, j'ai dessiné Iris, l'école, les arbres et voilà, et cristal. Quand elle n'avait pas trop d'idées, comme vous montrez, ben, je suggérais des petites choses. Voilà. Si elle aimait, elle faisait comme je l'avais dit ou pas d'ailleurs. C'était trop bien. On va parler de notre sortie au musée des Beaux-Arts. T'as oublié ? C'était le 30 janvier. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est... Quand on était parti au la toute première musée, c'était où il y avait des tableaux. Dans les tableaux, il y avait des fleurs et tout ça. Ça, j'ai aimé. Et après, moi et Anidia, on a dessiné deux fleurs. Et après, on était parti au deuxième musée. Et en fait, il y avait des tableaux, mais qui parlaient d'avant, de Charlemagne, de Louis XIV, Louis IX et tout ça. Et la reine d'Angleterre, qui est deux fois reine de France et reine d'Angleterre. Et après, on avait vu, à côté de la caisse, il y avait des trucs qu'on pouvait acheter. Moi et Anidia, on avait vu un cahier de Picasso. Et à chaque fois que je regarde les tableaux de Picasso, ça m'intéresse. Et je comprends plein de trucs et tout ça. Et c'est bien. Et j'en ai fait au moins deux. Ça ressemble à... En fait, j'ai fait un visage, mais en fait, les nez, les bouches et tout ça, ils sont pas en ordre, et voilà. Parce que c'est bizarre ce qu'il fait, Picasso. Tout à fait. Et aussi, il y avait aussi des tableaux de style de Picasso qu'elle a reconnus tout de suite. Donc, c'était super. Il y avait aussi les tableaux qui montraient la nature, les animaux. Il y avait aussi un gros tableau avec des chevaux. Mm-hmm. Oui, tu te souviens? Oui. C'était trop bien, cette sortie. Et j'ai tout aimé. Et en plus, quand on a fini, du coup, la visite au musée des Beaux-Arts, Fidan a voulu rentrer encore à la galerie, revoir l'exposition de Suzanne Lafont, avec les photos, des herbes, des petites fleurs. Donc on a refait la visite, on a revu quelques tableaux. Et aussi là, on avait fait un chemin avec les petites activités et les jeux. Chaque fois, il fallait lire des consignes, chercher quelque chose. Et dessiner, écrire. C'était super. Je pensais que c'était grand. Et dedans, il n'y avait que des photos, il n'y avait que des tableaux qui étaient d'avant et tout ça. Et c'est tout. Et aussi, à la fin de la visite, Fidan a demandé si on pouvait vivre dans un musée. Oui. Alors, est-ce qu'on peut vivre dans un musée? Non. C'est dommage, mais non. Moi, j'étais contente de voir les tableaux d'avant parce que j'avais vu, moi et Anja, on avait vu un tableau où il y avait la tête de Louis IX et en plus, je travaille sur Louis IX. Et qu'il est, comment il était mort et qu'il a, et comment il a gagné, je sais pas. Chaque fois, du coup, elle m'a raconté, voilà, un peu les choses en histoire, ce qu'elle avait appris à l'école. Et c'était trop bien. Et aussi, elle a reconnu les peintres espagnols parce qu'il y avait les informations sur les petites étiquettes. Donc elle disait, ah, c'est un prénom espagnol. C'était très bien, cette visite. Et est-ce que toi, ça te rappelait aussi des souvenirs de classe quand vous regardiez les tableaux, Eloja? Pas trop, parce qu'effectivement, moi, j'ai appris un peu plus l'histoire de l'Inde, vu que je suis indienne. Mais on avait aussi appris un peu la Révolution française quand on était au collège. J'avais pas autant d'informations que Fidan. Donc, du coup, j'ai appris plein de choses. C'était très intéressant. Et je lui ai expliqué un peu sur les courants artistiques et voilà. On a eu des belles discussions, je crois. J'ai apporté un livre, C'est moi le plus fort. Et c'est écrit par... L'auteur s'appelle Marlon Ramos. Et voilà, ça me plaît et j'ai bien envie de le lire. Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout décide de faire une petite promenade. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de carême. Bonjour, belle oreille. Dis-moi, qui est le plus fort? Demande lui. Le plus fort? C'est vous, monsieur, maître loup, incontestablement, et sans aucun doute, c'est absolument certain, répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Comme je me sens bien dans ma peau, dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chapeau mou. Oh oh. Sais-tu que cette couleur te va ravie? Tu es très mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort? Demande le loup. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Ça c'est sûr, grand loup. On ne peut pas se tromper. C'est vous le plus fort, répond la petite fille. Ah, ça c'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments. Je ne m'en lasse pas, gémit le loup. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. Trois petits cochons loin de leur maison? Comme c'est imprudent. Dites-moi, les petits dodis, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau. C'est assurément vous. Grand méchant loup, répond ensemble les trois petits. C'est évident, je suis le plus féroce et le plus cruel. C'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi, claire le loup. Un peu plus loin, il rencontre les sept mains. Et oh les zinzins du boulot, savez-vous qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort? C'est vous, monsieur le loup, répondent d'une seule voix les petits hommes. Ah ah, c'est clair, c'est net, ça ne se discute pas. Tout le monde le sait, je suis la terreur de ces bois. C'est moi le plus grand des méchants, proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. Bah! Salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort, dit le loup. Oui, bien sûr, c'est ma maman, répond l'espèce de petit crapaud. Quoi? pauvre gargouille, misérable artichaut, tête de lard, tu cherches la bagarre, j'ai du mal à entendre. Qui est le plus fort, s'il te plaît? Mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte. C'est aussi la plus gentille, sauf avec ceux qui sont méchants avec moi, répond le petit dragon. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis le petit gentil loup, répond le loup en reculant prudemment. La fin, c'est que la maman dragon, elle crache du feu. La première fois qu'elle a lu ça devant moi, oh là là, je rigolais pendant 10 minutes. Je pouvais pas m'arrêter, c'était trop drôle. On l'avait lu au centre et elle avait commencé à rigoler. Et à cause d'elle, j'ai rigolé aussi dans la lecture. Elle n'arrivait plus à respirer à cause de ça. Oui, c'est vrai. Et ça m'arrive toujours. Alors, la dernière fois, on s'était dit, on va faire une petite liste des choses qu'on aimerait bien faire. Vu que c'est un peu la fin de notre accompagnement. Fidan, tu veux partager cette liste? Les 5 choses que tu veux faire? Oui. Oui? J'ai envie d'y aller au bowling. Et deuxième, c'est que j'ai envie d'y aller aux autres. Et troisième, je voudrais apprendre toutes les langues. Quatrième, j'ai envie d'y aller au cinéma avec Anuja. On attend un peu la sortie d'un bon film. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être qu'au mois de mai, il y aura quelque chose d'intéressant à voir au cinéma. On va faire une sortie cinéma bientôt. C'est prévu. Et cinquième, je veux y aller à la plage. Alors, une chose de... Enfin, c'est pareil comme Fidan. Moi aussi, je vais apprendre toutes les langues. Voilà. Donc, peut-être qu'on apprendra ensemble. On ne sait pas. Je veux travailler en tant que psychologue avec les enfants et les ados. Et je veux écrire un roman qui trace l'histoire de ma famille. Et aussi, je veux acheter une voiture. Je veux visiter Kerala. Kerala, c'est une région dans le sud d'Inde avec ma famille. C'est trop beau. En plus, je sais que Fidan, elle adore regarder les films indiens. Du coup, elle a des connaissances sur ma culture. Du coup, l'Inde, c'est un très grand pays. C'est à l'est de France. C'est très loin. C'est 7000 km de France. Du coup, il faut y aller en avion. Si on veut aller vite. Mais en train, on peut pas parce que... Il n'y a pas de train qui fait France-Inde. Pas encore. Mais il y a des gens, effectivement, qui ont fait ce voyage en voiture. Ça prend plusieurs mois. Mais ce sont des voyageurs. Du coup, voilà. Un jour, je vais essayer d'y aller avec la voiture. Ouais. Quand je serai grand, en Inde. Ça sera une grande aventure. Et après, si je suis fatiguée, je vais à l'hôtel et dormir. Et le lendemain matin, je repars. Après, à minuit, je cherche un hôtel. Je repars et voilà. Elle a déjà fait ses projets de voyage. Du coup, c'est très grand. Il y a déjà plus de 20 langues selon les régions. Il n'y a pas une seule langue. Et voilà, il y a beaucoup de personnes partout, c'est tout le temps peuplé. Il fait bien chaud par contre, il fait pas froid comme en France. Il y a le soleil tout le temps, du coup c'est trop bien. Juste pas en été quand il fait très très chaud. Et je veux bientôt rentrer pour les vacances d'été justement. Mais ça sera pas l'été en Inde, ça sera la mousson. C'est la saison des pluies quand il pleut tout le temps. Mais les Indiens aiment bien la mousson. Parce que c'est pas comme ici, il ne fait pas froid, c'est de l'eau fraîche. Et on va faire la randonnée quand il pleut. Et toi, Fidan? Un pays, en fait, c'est une grande ville parce qu'il y a des montagnes, il y a des collines, et il y a encore de la neige là-bas, et ça ne veut pas partir, et c'est en été qu'elle va partir, la neige. Il y a des maisons au lieu des bâtiments, il y a toujours la guerre, et voilà. Et est-ce que la nourriture, ça te plaît? Oui, c'est de mon pays et je mange la nourriture de mon pays ici. C'est ma mère qui a le fait. Donc qu'est-ce que tu manges du coup? Les pommes de terre. En fait, on coupe les pommes de terre. Non, d'abord, on les échauffe et après, on enlève la peau qui est dessus et après, on coupe et on met du sel plus le truc qui est piquant. Du poivre? Non. Piment? Le piment, mais en fait, on coupe pas le piment, mais en fait, c'est la poudre en piment. Oui. Qu'on met. On a ça aussi. Mon frère, il le met beaucoup parce qu'il aime bien beaucoup le piment. Ça a l'air très bon, en tout cas. Ah, voilà. Et aussi, ma mère, elle achète la crème et elle le fait brûler. Elle le transforme en lait. Et la crème, c'est la vache. Elle l'échauffe et ça devient du lait. Elle le met dans un bol. Après, elle met les concombres et c'est bon. Elle le coupe, les concombres, en quatre et elle le met dedans et c'est bon. Ça, c'est mon préféré. Alors, Fidan, dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand tu es avec tes copines, tes amis en général? Je joue. Je crois que vous ne connaissez pas parce que, en fait, c'est un dessin animé, Loli Rock. Et moi et mes amis, on aime bien ça. Et à l'école, on joue à Loli Rock et au Winx. Et voilà. Ah, Winx, moi, je connais. Quand j'étais petite, je lisais, enfin, je regardais aussi à la télé. Donc, vous imitez, c'est ça? Oui. Un peu les personnages? Ok. Oui. Et t'as une meilleure amie? Oui. Oui? Elle s'appelle Aya. Mais parce qu'en fait, elle est un peu rigolote et on se connaissait à la maternelle. Et parce qu'elle est rigolote, parce qu'à chaque fois, elle fait n'importe quoi. Elle fait des voix bizarres avec « Ouais, ouais !» Après, des fois, quand on se range, elle fait « Mais !» Après, la maîtresse, elle se retourne, elle dit « C'est qui fait du bruit ?» Après, elle regarde par terre et la maîtresse, elle sait pas que c'est elle. Et j'ai pas dit que c'était elle parce que c'est pas mon problème. T'as raison. À l'école, il faut mieux écouter la maîtresse que les autres. Au lieu des bavardages, ben, si tu bavardes, ben, ton cerveau, elle marche pas, elle fonctionne pas. Et il faut mieux écouter la maîtresse, comme ça, ton cerveau, elle comprend des trucs et comme ça, tu peux mieux travailler pour avoir des A. Et on aime bien des A. Oui. Moi, si je vois des F, je fais... Mais des fois, j'ai des TB. TB, c'est bien parce que TB, ça veut dire très bien. Le T, ça veut dire très. Et le B, ça veut dire bien. Ça fait très bien. Ça nous permet de réfléchir, d'avoir des belles pensées, de faire prendre des décisions concernant les personnes. On va parler à une personne ou pas, voilà. Du coup, je fais de la méditation pour que mon cerveau fonctionne bien. Il fonctionne bien pour toujours. Même quand je serai vieille, je veux bien garder mon cerveau. Oui, elle va pas dire au revoir, je vais m'envoler. Ben, peut-être. Si on commence à oublier des choses, ça peut arriver. Mais j'aimerais ne pas oublier. Moi, elle n'oublie pas. Parce que t'es jeune. C'est pas que je suis jeune, parce que je le garde. Mais des fois que je cache des trucs et après j'oublie. J'ai déjà caché ma chaussette à la plage. J'ai creusé, je l'ai mis dedans et j'ai refermé. J'ai compté, je suis partie dans l'eau. Et après, j'ai compté dans l'eau. Après, j'ai ressorti, j'ai cherché, il n'y était pas. Peut-être que t'as oublié où tu avais mis justement la chaussette. Oui. Ouais, c'est ça. Et j'ai creusé de partout. Voilà. Voilà. T'as des questions? Bon, alors comment tu fais du coup pour mieux écouter? Parce que s'il y a des autres qui passent, c'est compliqué. Ben, je me défends pour dire d'arrêter de faire n'importe quoi. Et je dis les prénoms pour que comme ça la maîtresse elle entend. Et comme ça elle peut plus lire parce que sinon c'est pas bien. On pourrait pas avoir des A. Bon, t'as des stratégies comme toujours. Et après j'ai dit, je voudrais bien écouter la maîtresse. Que t'es bavardage. Mais après, je dis que tu peux bavarder dehors. Et en fait, il y a aussi Tracy, Chalia et Marie. En fait, ils font beaucoup des histoires et après, il y a Manon et Saba, c'est aussi des filles, et en fait, ils règlent tous les problèmes, même si c'est pas leur problème. Et moi, non, et Léa, Fissoun et moi, on n'était pas dans les problèmes parce que c'était eux qui ont commencé, et voilà, il y a toujours des problèmes. C'est comme ça. Voilà, il y a toujours des problèmes. Et à chaque fois, Manon, elle est un peu sauvage parce que elle fait que dans les problèmes avec Saba, ils font des plans et elle invite les garçons pour nous attraper, pour nous ramener jusqu'à les filles pour régler tous les problèmes, même si on n'a rien fait. Toi, t'as beaucoup d'amis, du coup, à l'école. Tu connais plein de personnes, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais à l'université? À l'université ou en Inde? Parce que maintenant, j'ai deux groupes d'amis. En Inde? Du coup, on va ensemble au café, on papote, on va au cinéma, on se fait des surprises pour les anniversaires. Du coup, on filme des petites vidéos, c'est trop cool. Et voilà, on discute, on fait des sorties, parce que moi je conduis en Inde, du coup, en voiture, on va pique-niquer à la campagne, c'est trop bien. Quand on a une ouverture avec voilà, les sorties, les livres, les rencontres, ça nous apporte des expériences, ça nous pose des questions, et pour avoir des réponses à ces questions, donc on réfléchit, on lit encore plus des choses. Donc, voilà, tout est lié, je crois. Et non, je suis pas du tout d'accord que, ben, si les jeunes aujourd'hui ils font plein de choses, c'est peut-être pas de la même manière. Ils ont une approche très originale. Et je crois que c'est nécessaire aussi d'avoir une approche fraîche sur le monde. Nos actualités sur radio-didée.fr, Facebook et YouTube.